À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Big Flo et Oli. Are you ready for en direct et pendant une heure complète. Planet Rap, Big Flo et Oli, c'est maintenant sur Skyrock. Passez une bonne soirée, bienvenue sur Skyrock. Big Flo et Oli, c'est le troisième Planet Rap. Ouais, on commence à prendre nos petites habitudes là. Ouais, mais j'ai l'impression que l'un de vous deux va nous quitter ce soir. Bah, ouais, mais en fait, c'est déjà le clash, c'est déjà la fin du groupe. C'est mon frère. Je sens m'énerve. Qu'il y a une tension en fait. Il m'énerve en fait. Je suis arrivé tout à l'heure et j'ai senti une tension. Hier, il a fait un peu le beau freestyle là. J'ai pas trop aimé. Le gros problème avec Oli, c'est qu'il prend pas souvent de douche, alors c'est l'odeur surtout. Ah ouais, d'accord, voilà. Le mec ça attaque directement en coup bas quoi, d'entrée de jeu en coup bas quoi. Non mais c'est vrai, vous êtes à la radio, vous sentez pas, mais ici dans les studios c'est vraiment un enfer quoi. Ah ouais, ok, de toute façon, j'ai des potes avec moi, on a un peu séparé le studio en deux là. Faites du bruit mon côté s'il vous plaît. Faites du bruit pour Big Flo. Eh bien, je propose aussi que non seulement le studio va départager, mais les auditeurs de Skyrock pourront départager. Tout à l'heure, on va en parler dans quelques minutes sur ce qui va se passer durant cette soirée. Mais juste avant, hier, c'était bien hier. Hein. Hier, tout allait bien encore. C'était une harmonie totale. Et hier, on s'aimait encore. Vous aviez un renfort du Sud incroyable, hein, franchement. C'était dingue. C'était une super soirée. Don Show, Dado, les tontons portion, qui sont venus. Billy Bats qui était là. Ouais, c'était ouf. C'était incroyable. Et d'ailleurs, on va revivre ce moment tout de suite. On a mis beaucoup de live dans le replay d'hier soir. Yeah. Écoute, c'était hier soir. En direct sur Skyrock. Pourquoi tu m'enlis? T'es comme tous les ados. Tu rêves de bif et même d'avoir de beaux abdos. J'suis un peu fou. Personne n'a idée. Le matin, je dois réveiller toutes mes personnalités. Entre les intellos et les profs, les parisiens bobos et les bofs. J'sais plus trop quoi faire. Une planète originaire, vers des années-lumière. Désolé, c'est le décalage horaire. Ma bouche est un flingue, j'appuie sur la détente. T'avais les mondes d'un cran, t'avais les top 50. Et tous mes potes d'enfants qui flippent pop d'antan. Mais dans leur pavé, pas j'attends que de la pop dans. Ça brise leur rap dans le sang. Mais ils sont doux, c'est marrant, ils vont vite, mais on comprend tout. Merci madame, faudra s'y habituer même si en France les rappeurs ne savent pas articuler. On verra bien demain, chez Universal ça se frotte les mains. Allez hop, j'ai des tas de carcasses de rats dans mon 4x4 et 4 dégâts. Toi tu finis à 4 pattes, fais gaffe man car je te découpe en 4x4. Attaque pas ou la balle part et te fracasse. Ouais, le mec qui grave. Parti les tours le meilleur dans ce rap de nage. Ouais, j'en ai encore dans sa quoi, j'ai des tas de phases. Et comme Oli et Biggie, j'en vois pas des masses. J'suis précoce dans le rap, c'est la même Oli. Elle est vierge extra comme une huile d'olive. Non Flo. Désolé Oli, mais pas faire de rime pas sinon c'était promis. C'est okay, Big Flo. Okay. On vient combler le vide. Parlez d'eux, nous aussi on peut le faire. Montrez-les, parlez-les, nous aussi on peut le faire. Parlez d'eux, nous aussi on peut le faire. Mais on préfère quitter la terre, on se casse. Et un Skyrock qui reste de la place. Parlez d'eux, nous aussi on peut le faire. Montrez-les, parlez-les, nous aussi on peut le faire. Parlez d'eux, nous aussi on peut le faire. Mais on préfère quitter la terre, on se casse. Bien Skyrock, il reste de la place. Planet Rap, Big Flo et Oli. Le verbe fumant du feu MC brûle encore sur les platines crépitant de nostalgie. Quelques témoins n'ont pour lui que des cris noyés par des larmes sourds que fuit sur la jalousie. Alors je pousse pas, je rappe sans force et au fond je m'en bats. Je dois élever ma fille mais le rap a besoin de moi. Donne les consonnes pour mes saloperies de voyelles. Et si le rap c'est tendance, lève ton string pucelle. Je suis de l'école des tordus, des morts du tentant. Mike branché, je suis de l'école des macros d'argent. Rien de neuf, rien de clinquant, gun dans les tympans. Je déglingue et fringant, cingue les jeunes délinquants. Inquiets les cinq sens, cherche le billet de 500. Les petits prenaient des 5 francs, maintenant ils prennent des 5 ans. Pendant qu'on parle d'un temps qui ne pourra pas renaître. Comme un printemps, je regarde passer les putes à la fenêtre. En trinquant, et j'ai crié jusqu'à ce que je m'endorme. Ma mémoire ou une boîte de Pandore, moi. J'ai déçu leurs attentes, paraît que c'est trop tard, c'est mort. Ferme ton cul quand chante, que les petites garces m'ignorent. Moi je ris quand je me plante, on dirait que je suis garci mort. Mais c'est plus pareil depuis que ma bande a mis la clé sous la porte. 20h-21h, en direct avec Big Flo et Oli sur Skyrock. Voilà, c'était un petit aperçu hier soir. Hein. L'intégralité, on l'a remis hein, sur Skyrock FM avec tout le monde. Ouais, il y a la vidéo, passés. Je l'ai vu, c'est mortel là. Il y avait ça une ambiance. Défonce, ouais, allez voir la vidéo sur YouTube d'ailleurs. Donc ce soir, c'est une autre ambiance. Je vous le disais, une ambiance un peu plus clash. Ah, ce soir, c'est autre chose. Il y aura du sang, on a eu des larmes dans le studio. Big Flo et Oli. Ouais. L'un des deux va rentrer à Toulouse. C'est même Big Flo vs Oli maintenant. Et ce soir, ça sera les gens qui pourront départager qui sera le meilleur. Je pense que ça sera moi, bien sûr, mais. Non, mais je pense que ça sera moi comme tous les soirs, mais bon, c'est. Pour l'instant, vous ne votez pas. Hein. Vous allez attendre un petit peu pour voter, puisqu'il y aura un gros clash en fin d'émission. entre vous deux et les auditeurs vous départageront. On vous filera les hashtags pour les départager voilà, tout à l'heure. Exactement. En attendant, vous pouvez envoyer des messages avec le hashtag BigFlo et Oli sur Skyrock dans le studio, dans Planète Rap. Je vous ai prévu aussi un petit jeu pour dans quelques minutes. Un petit jeu. Aïe, Fred. Un petit jeu pour déjà commencer le clash entre vous deux, savoir qui va gagner ce petit jeu. D'ailleurs, c'est très simple. Hein. Je vais vous balancer des punchlines, des extraits de morceaux. Oui. Il va falloir reconnaître les artistes et des artistes que vous connaissez. Je suis grave chaud. Et qu'a priori vous appréciez. Donc, d'ailleurs, on pourra en dire un mot aussi dans quelques minutes. Ça sera un point bonus pour le clash. Voilà. Ça commence déjà. Oli, tu es le meilleur, tu es magnifique. Non, pardon. J'ai inventé ça. C'est pas vrai, c'est faux. Il est où? C'est faux, c'est pas vrai. Je l'ai inventé, Fred. J'ai honte. Commence pas, vas-y. T'es arrivé en toute tranquillité. N'essaye pas tout de suite. C'est le clash, ça monte à la tête. Allez, on débute avec un morceau. C'est extrait d'album qui lui arrive le 1er juin. Ouais, le 1er juin. Le premier et dernier album de Big Flo. Et ouais, c'est pour ça qu'il faut l'acheter. Avant une carrière en solo pour les deux. C'est du collector, là. Il s'appelle La Cour des Grands et sur le 1er juin. Il est déjà disponible en précommande. J'ai vu qu'on était 14e. Ouais, on était 14e sur le classement iTunes. Alors on essaye de finir dans le top 10. Ça serait pas mal l'émission dans le top 10. Je suis monsieur geek, hein, je l'ai dit depuis le début. Donc voilà. Et bah d'ici la fin de semaine au moins, ou même encore un peu plus haut, on peut viser jusqu'à vendredi. Tu connais le gimmick, Fred. Si tu télécharges, bâtard. Donc voilà. C'est bien, vous avez pas dit si tu télécharges, on débarque chez toi. Mais en même temps, je me dis en vous voyant. De toute façon, voilà, ça va pas faire très peur, je pense. Si tu télécharges, on te lance Big Flo. Ça fera un javelot. Bah, allez. Ah, il est chaud quand même, le petit frangin. Hein. Et ça commence. Non, toi tu réserves, tu gardes. Moi je garde. T'as raison, c'est la force tranquille. D'un côté, l'arrogance et la force tranquille. C'est ça, C'est le grand frère et le petit frère, quoi. C'est bien, il fait ses petits jeux avec ses amis, c'est bien. Allez. Je le regarde grandir avec. Voilà. Avec fierté. Avec fierté. Allez, on balance le morceau comme d'hab. C'est Big Flo et Oli. Comme d'hab, je sais pas vous, mais moi. Comme d'hab, encore sous les draps. Comme d'hab, quoi. L'album arrive. On s'en souviendra. Et si t'es comme moi, à chaque fois c'est comme ça. Faudrait que je me bouge, mais de toute manière, y'a plus d'heures. J'avais rien de prévu, autant rien faire à plusieurs. Y'a le pote condamné qui sortira en douce. Le pote amoureux qu'on voit plus depuis qu'il est en couple. Je les appelle tous, comme d'hab on sort en ville. Besoin d'air libre, notre soirée repose sur les épaules du pote qui a le permis. À 5 dans une voiture pourrie, on s'imagine en Ferrari. On klaxonne des touristes, me demande où passe la nuit. Comme d'hab on veut aller au ciné, car l'heure défile. Mais on a raté la séance, le temps de se mettre d'accord sur le film. On est bien sur notre banc, rien faire c'est épuisant. Comme d'hab ça part en débat, je te jure Michael Jackson est vivant. Après 2-3 verres, mon pote m'écrit, on veut se taper. Il se pense musclé comme d'hab, on va devoir le rattraper. Entrer en boîte, jamais. Pourtant j'ai mis mes beaux vêtements, au moins les morts de rire. Tire des gueules d'enterrement, on kiffe notre vie. Comme ça, promis on fera notre combat. Pour l'instant on profite d'art en ville entre amis. À toutes nos soirées de merde, à toutes nos soirées de merde. Nos embrouilles, nos galères, nos embrouilles, nos galères. Si on fait tout refaire, on ferait la même. On ferait la même, c'est sûr. Comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab. Dites-nous si vous kiffez le son avec hashtag BigFlo et Oli sur Skyrock. Dites-nous ce que vous en pensez. Comme d'hab, on s'en souviendra. Et si t'es comme moi, à chaque fois c'est comme ça. C'est une photo, un polo, je pars en mission. Après un texto, un poteau, une proposition. Y'a une soirée chez lui, est-ce que tu viens avec moi? Rendez-vous à 20h, arrivé à 23. Comme d'hab, je veux me caler, j'arrive à emballer. Mais je fais la bise pendant une heure avant de m'installer. Qu'est-ce que tu deviens depuis le temps? On exagère sa vie, on ment, le temps passe vite, c'est affolant. T'as pas changé, t'es comme avant. On réserve les chambres comme dans un hôtel. La course du fond de la classe est devenue top modèle. Personne se lance, plus d'alcool que d'ambiance. Comme d'hab, aucun mec sur la piste de danse. Comme d'hab, les filles vont aux toilettes par paquet douze. Comme d'hab, les plus bonnes sont déjà en couple. Y'a plus de bus, le métro est fermé. Toutes les voitures sont déjà au complet. Putain, le taxi c'est vraiment pas donné. T'as pas une trottinette. En partant, je croise un type qui vomit et t'allé par terre. Il me dit, vas-y Big Flo, fais-moi un petit rap, frère. À toutes nos soirées de merde. À toutes nos soirées de merde. Nos embrouilles, nos galères. Nos embrouilles, nos galères. Si on fait tout refaire, on ferait la même. On ferait la même, c'est sûr. Comme d'hab. Comme d'hab. Comme d'hab. À toutes nos soirées de merde. Toutes nos soirées de merde. Nos embrouilles, nos galères. Nos embrouilles, nos galères. Si on fait tout refaire, on ferait la même. On ferait la même, c'est sûr. Comme d'hab. Comme d'hab. Comme d'hab. Comme d'hab. Comme d'hab. Je sais pas vous, mais moi. Comme d'hab, encore sous les draps. Comme d'hab, on s'en souviendra. Et si t'es comme moi, à chaque fois c'est tu comme ça. Tu m'avais dit sans, on est simple. Comme d'hab. Personne n'a pris les enceintes. Comme d'hab. On fait des pâtes, franchement j'ai faim. Comme d'hab. Y'a un moment qui se sent pas bien. Comme d'hab. Oli va clasher Big Flo. Comme d'hab. La fête est naze, mais lui dit rien. Comme d'hab. Viens, on va fumer le chien. Comme d'hab. Eh les gars, on fait un Scrabble. Au lit, c'est une grosse merde. Nos embrouilles, nos galères. Si on fait tout refaire, on ferait la même. On fait la même, c'est sûr. Comme d'hab, comme d'hab, à toutes nos soirées de merde. Ça se passe pas comme dans les films. Nos embrouilles, nos galères. Fini dans la piste. Si ma mère devait le refaire, elle ferait sans flot. Les hostilités sont ouvertes, quoi. Comme d'hab, comme d'hab. Le mec, pendant le morceau, me clash, quoi. Ça, c'est direct, interdit. Quoi. Bim. Et puis en plus, ça parle des mamans et tout, c'est pas bien. Bon, on a la même mère. On a la même. Bah oui, justement. D'ailleurs, si gros bisous. Si gros bisous à maman. Gros bisous à maman. Désolé, maman, mais ce soir, tu vas perdre, ton plus jeune fils. Il va revenir plus tôt à la maison. Il y en a un des deux qui va revenir plus. Il y en a un des deux qui est. Est-ce que ça vous manque Toulouse un petit peu, là? Ouais, ça nous manque un peu. Honnêtement, ouais. Quand on est sur Paris, on a. Qu'est-ce qui vous manque le plus de Toulouse? Le soleil, la chaleur humaine. Voilà, vous êtes arrivés, il y a un soleil incroyable, on a l'impression même qu'on est. C'est pas, je vais dire les potes, mais il y a une partie qui est montée dans les studios. Donc d'ailleurs, il y en a qui ont déjà choisi leur camp, parce que si vous avez les images, vous le voyez. Ouais, il y a Oli qui a un t-shirt noir. Oui. Big Flo Oli. Big Flo, lui, le t-shirt blanc. D'ailleurs, tenez, ce soir, on va faire gagner un t-shirt. Vous utilisez le hashtag Big Flo Oli sur Skyrock, vous marquez t-shirt et après, on choisira quelqu'un au hasard. On va et faire d'ailleurs, gagner un t-shirt. J'ai l'impression qu'on est à peu près à égalité, non? Si je me plante pas, pour l'instant, dans le studio. On a distribué. Voilà, d'ailleurs, je voulais dire, pour les places de concert, on va contacter là ce soir ceux qui ont gagné par message privé sur Twitter. Donc voilà. Et il y a des dates aussi pour vous voir. Ouais, on est à La Réunion la semaine prochaine. Normalement. On part à La Réunion, ouais, si tout va bien. En tout cas, il y aura Oli à La Réunion la semaine prochaine. Et les dates les plus importantes, c'est le 1er octobre à la Maroquinerie, notre date à Paris, donc on vous attend tous. Et le 8 octobre au Bikini. Et d'ailleurs, ce soir, on refait gagner des places aussi. Vous dites pour quelle ville vous voulez, donc Paris ou Paris. Et vous mettez le hashtag Big Flo Oli sur Skyrock. Aussi, j'en profite pour dire, on sera au Vieille Charrue, on fait beaucoup de festivals. Ouais, on sera... Cet été, on a 22 dates, je crois. Enfin, on sera à Montréal, au Francophonie de Montréal en juin. On fait les arènes de Nîmes aussi avec Soprano, Black M. Enfin, on fait des gros trucs, quoi. Ouais, grave. Les papillons de nuit, le Paléo Festival, enfin, allez voir partout. Big Flo et Oli sur scène. Est-ce que vous êtes prêts déjà pour la première partie de ce clash avec mon petit jeu? Alors vas-y. Allez, donc, j'ai un petit jeu, il me faut le nom du morceau et l'artiste. D'accord. A priori, c'est des artistes que vous connaissez On doit dire le nom direct ou on doit dire un top? Ah bah non, vous balancez. D'accord, okay, direct, okay, pardon. Vous bombardez. Je suis précis dans les jeux. Pour savoir qui s'y connaît mieux en rap français entre Big Flo et Oli, déjà, ça va être la première étape de ce clash ce soir. Ok. Alors. Me demande pas ce qui les pousse à casser des vitrines, je suis pas la mairie. James, la boulette. Il est fort. Ok, d'accord, j'ai pas reconnu la voix de James quand Fred a rappé, c'est pour ça. C'est normal, mais je pense que tu vas pas reconnaître grand monde. Ok, lui comme ça en plus, c'est difficile. Ok, 1-0 pour Flo. Diams, un petit mot quand même sur Diams. Bah nous on a beaucoup écouté. Hein. Ouais, malgré ce que les gens peuvent dire sur Diams, on trouve que c'est vraiment une artiste incroyable. Surtout le morceau, si c'était le dernier, on avait pris une grosse claque. Celui-là, il était ouf. On l'avait entendu d'ailleurs, je crois, c'était à Planète Rap la première fois. Ouais, t'es venu, ouais. On l'avait entendu dans la voiture, on était choqués, on s'était arrêté, je me souviens. Diams, on a beaucoup écouté, voilà, c'est un peu la daronne, quoi. C'est la daronne. Bon, toi, tu l'as plus écouté que Oli, a priori. Hein. C'est bizarre parce que c'est Oli quand même qui écoute plus, mais là, il était pas dedans. Un point donc pour Monsieur Big. Il stresse déjà pour le clash. C'est dur. Attention, ça va aller très vite. Oui. À 13 ans, il aime déjà l'argent. Ayam, petit frère. Ouais, j'arrive pas. Allez, c'est terminé. C'est quoi, si à 3-0, je passe sous la table. Fanny sous le baby. Un petit mot sur Ayam. Ayam, c'est les tontons. D'ailleurs, j'étais trop fier. On s'envoyait des textos hier avec Akhenaton. Ouais. Ça fait un truc super bizarre. Vous les rencontrez où? Vous êtes rencontrés où avec Akhenaton? Sur des concerts, sur scène, etc. Et depuis, c'est devenu nos tontons un petit peu dans le milieu. Ils nous donnent des conseils. On se parle souvent par message, etc. Enfin, c'est un truc de ouf pour nous, vu qu'on les écoutait quand on avait 10 ans. On a écouté l'école du micro d'argent en boucle. Un gros big up à eux d'ailleurs, là. Ils m'ont dit qu'ils étaient. Ils sont aux États-Unis là. En ce moment, la classe quoi. Ils font une tournée carrément aux États-Unis. Bon, alors il y a plein de morceaux à retenir. S'il y en a un aussi en particulier, comme on parlait de Diams tout à l'heure. Un cri court dans la nuit. Moi, ça serait Demain, c'est loin. Et d'ailleurs, on te réserve une surprise vendredi, mais je n'en dirai pas donc plus. Donc après-demain. Ouais, voilà. Après-demain. Attention. Là, nous sommes à 2 points pour Monsieur Big Flo. C'est dur, putain. C'est dur. Troisième proposition. Momo, tu souffles pas, hein? Rappelle-toi, on était jeunes, on avait Cynique, pas... Cynique, putain. Cynique, une époque formidable. Putain. Rappelle-toi, on était jeunes. Un point enfin. Cynique, je viens. On a beaucoup écouté. Aussi. D'ailleurs, aujourd'hui, Clash, ça me fait penser, moi, j'écoutais les Clash. T'as voulu Clash, BJFLO, t'es dans la merde. Bon, voilà. quand t'entends BGFLO, ça pue la merde, ok. Oh, oh là, c'est facile. Oh là, ok, non, allez, on revient pas à notre sérieux. Allez, attention, 2-1. Celui-ci, t'es un peu plus récent celui-ci. Même loin, je rirais toujours, allez, Paris. Booba, Booba le dernier, comment il s'appelle, Mon Pays. Adieu, mon pays. Très fort. Adieu, mon pays. Même loin, je serai toujours à l'époque. On est à combien, la 3-1 hein? Ouais, ça fait mal, ça fait très mal. Booba, un petit mot sur Booba, il fait partie pareil des artistes que vous écoutez, que vous avez Booba, beaucoup écouté. Booba, malgré, ce qui est bizarre, c'est que voilà, malgré tout ce qu'il peut faire, tous les dérapages, tous les, on n'est pas, en fait, son message, on le cautionne pas, mais on est fan, malheureusement. Enfin, malheureusement pour nous, on n'arrive pas à faire autrement. C'est vrai qu'on peut s'y reconnaître une carrière assez incroyable. Ah ouais, bien sûr. C'est début avec Lunatic, tout ça, nous on est hyper fan, on a beaucoup écouté. Mais ça défoule un bon Booba, ça défoule. Moi j'écoutais Booba avant d'aller au bac, par exemple. Ça, c'est le genre de son qui te motive un petit peu, quoi. Si, justement, on l'a eu tous les deux, donc ça va. Voilà. Ça va. Allez, 3-1, qu'est-ce qu'on fait? On met les compteurs à zéro, vous voulez que tous jouent sur la dernière? Allez. Est-ce que qui va être grande classe? Est-ce que t'es capable d'être grande? Oui, bien sûr, pour le petit frère, le pauvre, il est un peu retardé mentalement, alors. mais ce soir, alors, les compteurs sont à zéro, attention, Big Flo, Oli, dernière proposition. Oui. La rue m'a fait vivre, mais la rue m'a dégoûté. L'école m'a fait lire, mais l'école m'a fait douter. Attends, mais La rue m'a fait vivre. Oh putain, je vois pas ça. La rue ça, m'a... C'est, je sais, c'est un invité qui vient demain. Attends, vous voulez que je fasse autrement? La rue m'a fait vivre, mais la Youssoupa. Rue m'a fait vivre. La rue m'a fait vivre. Ah putain. Et le morceau, c'est le morceau avec. J'ai un truc. Avec la chanteuse, on se connaît. Voilà, on se connaît, bravo, je pense qu'on peut applaudir. Oli. C'est pas mérité, tout le monde le sait. Hein. Mais d'ailleurs, justement. Qui remporte la première manche, mais en même temps, t'as été classe, donc j'ai envie de dire un partout pour cette D'ailleurs, première Fred, manche. On peut l'annoncer. Demain, Youssoupha vient. Il vient dans le studio. On fait un remix de Entourage. On va faire un remix exclusif pour Skyrock. Donc, puisqu'on parlait justement sur le côté direct et tout, c'est quelqu'un que vous devez vraiment apprécier. Ouais, ouais, Youssoupha, nous, on a pris une grosse claque hein, quand on l'avait découvert. Il y a des morceaux monstrueux, quoi. Espérance de vie, je me souviens, je m'étais saigné à ce son-là. Ouais, on a beaucoup écouté. Éternel recommencement, des morceaux comme ça. Aussi. Un peu plus vieux. On est très content qu'il vienne demain, en tout cas. Donc voilà. C'est quelqu'un qu'on kiffe et qui nous a toujours soutenus. Il nous a connus très jeunes, en fait. On a fait un concert avec lui. Je me souviens, c'était à Toulon. Je devais avoir 15 ans, un truc comme ça. Peut-être 15-16 ans, quoi. Et bon, on retrouvera Tonton Youssoupha. Donc demain, ça c'est une bonne nouvelle. On le retrouvera demain dans l'émission entre 20 et 21. Je vois que ça tweet pour les t-shirts et pour les places aussi. Je rappelle, si vous voulez des places pour le 1er octobre à la Maroquinerie, vous envoyez Paris, hashtag BigFloOli sur Skyrock. Si vous voulez des places pour Toulouse, vous envoyez Toulouse, hashtag BigFloOli sur Skyrock. Et si vous voulez un petit t-shirt, vous envoyez t-shirt@BigFloOli sur Skyrock. C'est cadeau. C'est pas facile à dire tout ça. Hein. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui. Il y a déjà des supporters. Il y a Big Flo, fait trop le gars, mort de rire, Oli va le défoncer. Ouais, mais attends, c'est vous avez un autre frère caché? Il y a quelqu'un dans la famille qui ne t'aime pas? C'est maman. Si ça se trouve, le meilleur, donne la leçon au petit frère. Voilà. C'est Mouton des Prés qui envoie ça. Allez, balancez les messages dans un instant. On vous filera justement comment vous allez pouvoir vous expliquer comment vous allez pouvoir départager Big Flo Oli. On met un morceau? Alors on fait un petit cadeau aujourd'hui. On met un morceau. Titre inédit de l'album qui est sorti nulle part. Personne ne l'a entendu. Il s'appelle C'est qui c'est de là? Et bien justement, c'est Big Flo et Oli. Faites du bruit dans les studios là. Maintenant. Ça sort le 1er juin. Yes. Total Exclu. Ouais, la Cour des Grands disponible en précommande. On compte sur vous pour le précommander. Déjà, on est 14e du top iTunes. On essaye de remonter. 15e, regarde, ça monte. Ça monte. Continuez. Tu dis qu'on n'a pas la gueule de l'emploi. T'as juste à nous donner l'heure et l'endroit. Tu dis qu'on n'a pas la Total gueule Total Exclu, mon pote, sur Skyrock. Mais t'en redemandes encore. Non, non. Yo, moi c'est Big Flo, hello amigo. J'fais que du lourd, pourtant j'fais moins de 50 kilos. Oli toujours avec moi, j'm'en sers comme d'une amulette. J'fous le feu en concert, j'suis taillé comme une allumette. Laissez-moi croire que je pèse. Laissez-moi croire que j'suis rentré dans le game. Merde, la concurrence passe son temps à soulever des haltères. Mais facile de jouer les soldats quand il n'y a pas de guerre. Bang bang, je prends le mic et je kick et d'un coup je les vois qui deviennent dingue. Pas de copine, pas de style, viens de moi que je porte les mêmes fringues. J'vois que t'es un peu sceptique. Même quand j'suis sorti de ma mère, elle a crié mais c'est qui? C'est Total Exclu, Total Exclu pour Skyrock. Il balance un beat et je kick ma vie. Stop le régime, viens goûter mes tablettes. J'suis aussi bon avec les filles qu'un manchot fléchette. Non, Biggie dit pas ça. C'est sûrement la weed ou le vide qui t'assaille. Tu bouges tellement la tête que t'as un torticoli. Panique pas, respire, c'est que Big Flo et Oli. C'est qui c'est de là, hey, c'est qui c'est de là, mais c'est qui c'est de là. Et hey, tu te demandes encore. C'est qui c'est de là, hey, c'est qui c'est de là, mais c'est qui c'est de là. Mais t'en redemandes encore. C'est qui c'est de là, hey, c'est qui c'est de là, mais c'est qui c'est de là. Flo et Oli. Mais c'est qui ces deux-là? Mais t'en redemandes encore. Tu dis qu'on n'a pas la gueule de l'emploi. T'as juste à nous donner l'heure et l'endroit. Tu dis qu'on n'a pas la gueule de l'emploi. T'as juste à nous donner l'heure et l'endroit. Tu dis qu'on n'a pas la gueule de l'emploi. T'as juste à nous donner l'heure et l'endroit. Dites-nous si vous kiffez hashtag Big Flo et Oli sur Skyrock. Moi c'est O-L-I. On me dit que je suis trop gentil. Mais tranquille, moi j'écris et je reste authentique. Je suis bizarre, je sais même plus quoi penser. Tellement timide que ma voisine se demande si je parle français. Préviens si, t'en as marre, je parle de moi et j'insiste. Oui je suis du rap car j'ai pas les couilles d'aller voir un psy. Désolé si je persiste, y'a que la musique qui m'excite. Si ça marche pas au pire, j'ouvre un kebab au Mexique. Lève tes mains en l'air, rebondis comme un trampoline. Pour les asthmatiques, levez bien haut vos ventolines. C'est la crise, mais je rêve encore de vendre des disques. Car je fais partie de ceux qui aiment toujours prendre des risques. Enchanté, santé. Allô Oli, t'es où, faut vraiment rentrer. J'ai pas trop confiance en moi, je traîne des pieds par terre. Depuis que ma petite cousine m'a battu au bras de fer. Mais putain, faut que je réalise que le temps passe vite et que dans la ville, la plupart des types rêvent de vivre ma vie. C'est la rime anime, donc faut que j'y arrive. Prends deux frères, mets du son, de la technique et de la folie. Panique pas, respire. C'est que Big Flo et Oli. Ah. C'est qui ces deux-là? C'est qui ces deux-là? Mais c'est qui ces deux-là? Et tu te demandes encore. C'est qui ces deux-là? C'est qui ces deux-là? Mais t'en redemandes encore. C'est qui ces deux-là? C'est qui ces deux-là? Mais c'est qui ces deux-là? Et tu te demandes encore. Si tu télécharges, t'es un bâtard. Mais c'est qui ces deux-là? Mais t'en redemandes encore. Tu dis qu'on n'a pas la gueule de l'emploi. Allez précommander l'album les potos, ça sort le 1er juin. C'est la cour des grands. T'as juste à nous donner l'heure et l'endroit. Tu dis qu'on n'a pas la gueule de l'emploi. T'as juste à nous donner l'heure et l'endroit. Qu'on n'a pas la gueule de l'emploi. Mais t'en redemandes encore. Dans toutes les villes, on ira du sud au nord. Et tu te demandes encore. Viens avec nous, viens voir ce qui se passe dehors. Et tu te demandes encore. Je sais pas si tu captes, non. C'est le retour du rap, non. On t'a fait bouger la tête et du coup était presque mort. Mais t'en redemandes encore. J'ai la mémoire d'un poisson rouge. Ah bon? Au fait, je t'ai déjà dit que j'avais la mémoire d'un poisson rouge. Putain. Je sais pas si tu captes, non. C'est le retour du rap. Le 1er juin. Mais t'en redemandes encore. Big Flo et Oli, donc titre inédit qui figure sur le projet le 1er juin dans les bacs. Ouais, ça fait voilà, plaisir d'entendre, ça fait plaisir d'entendre. Là, on voit plein de messages, les gens ont l'air de kiffer, ça fait vraiment plaisir. Allez-y. Ça fait toujours bizarre de sortir des exclus comme ça, voir si les gens kiffent. Bah pour l'instant, lourd l'exclu. Je sais pas si tu captes, c'est retour du rap. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Surtout qu'on n'avait pas trop d'avis là encore, parce que c'est du tout neuf. T'en redemande encore, allez-y, vous balancez. Ah non, mais il y a les t-shirts. Toujours de la pure frappe, vous continuez au top, Big Flo et Oli, c'est les messages qui arrivent. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. À l'instant plaisir, même, ouais. Comment vous avez d'ailleurs bossé cet album tous les deux? Chacun écrit dans son coin, en studio, à la maison? Mais en fait, comme Oli, c'est pas écrire, moi j'ai tout écrit et j'ai fait tous les morceaux. Est-ce qu'on peut être sérieux à un moment? Non, on a bossé ça comme on fait d'habitude, comme on fait depuis toujours, on écrit dans notre petite chambre à Toulouse, on a un petit peu de matos, etc. On compose, moi je compose les instrus moi-même. Et Oli écrit les textes avec moi, Oli trouve des mélodies aussi. Et ensuite, une fois qu'on a un petit pack comme ça, un petit morceau qui ressemble à quelque chose, on est allé le travailler, là, ben, comme on t'avait dit, à New York avec les Ricains là, qui nous ont reboosté tout ça. On a reboosté ça avec eux. Bon, en tout cas, c'est important de le dire, c'est quand même Big Flo à la base des instrus. Oui, instrus, c'est moi, hein. Oui, les instrus d'ailleurs vont être signés par qui sur l'album, principalement par toi ou... Ben ouais, en fait, on est compositeurs tous les deux sur tous les morceaux, je crois. Il y a aussi Animal Son qui nous a prêté un petit coup de main, qui nous a aidé à bosser sur quelques sons. Big up à lui. Il y a les deux Américains qui ont fait, voilà, c'est plus de l'arrangement, etc. Mais la compo de base, c'est quand même nous, on peut dire. Comme il s'est parapé, au moins il fait les instrus, quoi, tu vois. Oh allez, allez, c'est reparti. Allez là. Dans un instant, on va voir, parce que pour l'instant, il l'ouvre beaucoup, on va voir. Oui. Je trouve que t'es très serein. Avec mais attends, frère. Mais Fred, il est dans l'équipe de Big Flo là. Non, mais depuis tout à l'heure, j'essaye d'être juste. C'est vrai, c'est vrai. Depuis tout à l'heure, bim, ça marche pas. Les gens, ils sont pour moi, donc voilà. Ok. Désolé pour toi, Oli. Désolé, vraiment. Allez, je suis d'accord. Big Flo Oli a départagé dans quelques minutes sur Skyrock. Bougez pas, on vous attend au freestyle. Et est-ce que vous nous faites un morceau live avant ou pas, les gars? Ouais. On met un autre titre. On peut bien faire un live. Hein. On est chaud. Un live, tant qu'à faire, ouais. Ouais, comme vous voulez. On va vous faire un son. Ben, c'est un des sons qui nous a fait un peu connaître sur la toile, Monsieur Tout le Monde. D'ailleurs, dans le clip, je sais pas si t'avais le clip, Fred, mais dans le clip, il y a Kian Kojandi, le mec de Bref. Ouais. Et d'ailleurs, on vous réserve une surprise pour le Planète Rap. Trop fort, Kian. Que de surprises, que de surprises. Décidément, c'est un festival de surprises. Ouais. Que de surprises et bah, on est arrivé, la semaine n'est pas finie. Demain, on sait qu'il y a Youssoupha. Ce Planet Rap, on est arrivé, ça faisait 10 ans qu'on avait le programme en tête. Donc... Ouais, c'est clair. On attendait de venir te voir, donc voilà, on y va. Pour, et ben, je suis pas déçu en tout cas. Yes. DJ, t'es prêt avec Monsieur Tout le Monde? Non, après la pub. Après la pub. Vous connaissez la radio, c'est genre, il y a le teasing, machin. Il est gourmand. Dans un instant, ne bougez pas. Big Flo et Oli reviennent en live, aussi en freestyle par téléphone. C'est le hashtag Big Flo et Oli sur Skyrock, et c'est juste après ça le retour. Ladies and gentlemen, Skyrock reçoit Big Flo et Oli pendant une heure complète ce soir. Planet Rap, Big Flo et Oli. Big Flo et Oli, yep. un album qui arrivera le 1er juin prochain. 1er juin, il est déjà dispo en précommande. La on est toujours 14e, mais je crois qu'il faut attendre que ça se renouvelle un peu. Et si pas à précommander et à tweeter avec le hashtag Big Flo et Oli sur Skyrock. Au prix de. Au prix de la kebab. 7,99€, c'est-à-dire que c'est le prix du plus petit menu McDo que vous pouvez avoir. Incroyable. Alors que nous, on a bossé plus de 6 mois dessus. Alors et on a mangé du McDo. On en a mangé. Ouais, voilà. Alors que le McDo, ils font un petit hamburger vite fait. Bon, sans amour. Alors que nous, on a tout mis. Il est trop fort. Hein. Eh oui. S'il était aussi fort en rap qu'en promo, ça serait. Ça serait quelque chose. Ça, en même temps, ça se rapproche. Là, ouais, mais là, ça se rapproche. Là, on commence à rentrer dans. D'ailleurs, t'aurais dû manger un petit peu moins de McDo, Oli. Le clash. Dans un instant, le clash. Qui va gagner? Alors, je peux commencer déjà à vous dire comment ça va se passer. Vous allez avec le hashtag Big Flo et Oli sur Skyrock balancer soit. Il faut alors attacher, hein, c'est ça? Oui, alors c'est tout attaché en majuscule. Non, minuscule. En majuscule. Minuscule. Est-ce que c'est en majuscule c'est ou en minuscule? C'est en majuscule, c'est. Non. Tout en minuscule. Ah, d'accord. Voilà. On me dit dans l'oreillette, d'accord, tout en minuscule et attaché. D'accord. Soit vous envoyez d'ici quelques. Pas tout de suite, hein, non. Dans un instant. Soit Team Big Flo, soit Team Oli. Attaché, okay. Minuscule et avec le hashtag Big Flo et Oli sur Skyrock. En fait, si vous mettez pas le hashtag, on vous voit pas sur l'écran. Et on pourra pas comptabiliser. Voilà. Ce qui serait dommage. Ah ouais, carrément, ça va être comptabilisé et tout. Ah ouais, oui. Il n'en restera qu'un. Il n'en restera qu'un. Ça va être dur. À la fin, qui va perdre. Il n'en restera qu'un. Donc voilà. Big Flo, Oli, Big Flo. Team Big Flo, je compte sur vous, hein, tout attaché. Team Big Flo avec le hashtag Big Flo. Commencez même maintenant. Ah, tu veux? Ouais, moi je. Je suis comme ça. Si, commencez. On ouvre les votes maintenant. Allez, attends, tu sais quoi? Dans 10 secondes, regarde. On va donner le décompte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, coup d'envoi. Team Big Flo, tout le monde. Hashtag Big Flo et Oli sur Skyrock. Team Big Flo, Team Oli. Allez-y avec le hashtag Big Flo et Oli sur Skyrock. Tout attaché en minuscule. Voilà. On commence à compter à partir de 20h26 et on arrêtera les votes là, juste après votre clash. Team Big Flo et Oli. Allez, pas mal. Ah, il y a des trucs, il y a des time Big Flo. Non, c'est pas time, c'est team. Il n'y a pas besoin de mettre un hashtag devant le Team Big Flo. Il faut juste mettre Team Big Flo, hashtag Big Flo et Oli sur Skyrock. Si vous mettez un hashtag, je crois que ça marche pas. Waouh, on se démerdera. Mais on va se démerder. C'est plus simple, voilà. Avant la séparation, est-ce que vous nous faites un dernier morceau tous les deux? Allez, un dernier truc avant qu'on se clash. On va faire Monsieur Tout le Monde. C'est une autre ambiance. Là, c'est un morceau, voilà, que. C'est un morceau qui nous tient à cœur. On a écrit ça un soir. Ça a été très, très fort à écrire pour nous. On s'est vraiment mis dans les personnages, quoi. Et c'est un morceau qui a fait en effet du bruit. Millions de vues. Là, il est à combien? 2 millions 500, non? Ouais, 2 millions. Ouais, 500 millions, ça, voilà. Et ça va continuer à grimper maintenant. On l'écoute, ce morceau, c'est en parti. Live dans Planet Rap. Yes. Et il est dans l'album. Le 1er juin. À Cour des Grands. Ce matin, je suis très en colère, mais je laisse rien paraître devant ma fille et sa mère. Bisous, bonjour, ennui, cafetière. La jolie vaisselle que nous a donnée grand-mère, j'aimerais tout foutre en l'air. Ouais, j'y pense des fois. Les jours se ressemblent comme ma fille et moi. Allez chérie, dépêche-toi, on va être en retard. Dis bonjour aux voisins, au revoir connard. Toujours bloqué dans la circulation, stimulation, agression, allez avance pauvre con. Qu'est-ce qui t'arrive papa? Dis-moi pourquoi tu t'énerves. Je l'entends pas aujourd'hui, je suis coincé dans un rêve. Allez mon ange, sois sage et passe une bonne journée. Ma propre hypocrisie commence vraiment à me saouler. Youhou, mène en direction le taf, l'éclate. Un lapin dans un clavier, 8 heures derrière un clavier. Ça fait 2 semaines que j'essaye de parler à mon patron. Je l'imagine souvent le soir découpé dans des cartons. Monsieur, pour mon augmentation, on en parlera plus tard. Dire que ça fait 15 ans que j'enfile ce putain de costard. Après j'irai chercher ma fille comme toujours. Je ne vois que l'ennui, où est passé ma vie, où est passé l'amour. Ce soir, la même bouffe de supermarché. Arrête recovers, c'est caché. On fera semblant de pas se fâcher. Mais j'ai encore trouvé les textos dans son téléphone. C'est pas la fin du monde, ça fait 2 ans qu'elle me trompe. Moi comme d'hab je dis rien non, comme d'hab je suis à fond. Ce monde est trop pourri pour ma fille. J'ai honte la routine, le premier jour comme le dernier. Attends mais y'a pas un fusil dans le grenier. Le taf, l'angoisse, la vie, la nuit, le temps qui passe. Routine, ennui, l'amour, la mort, les rêves, l'envie. Photo, sourire, encore la vie, le stress, le noir, les larmes, les cris, les klaxons, les sonneries. Je crois que ce soir je vais faire une connerie. Seul dans l'ombre, je suis comme monsieur tout le monde. J'avance, je tombe, je suis comme monsieur tout le monde. J'ai jeté l'éponge comme monsieur tout le monde. Je plonge dans le plus sombre de mes songes. Seul dans l'ombre, je suis comme monsieur tout le monde. J'avance, je tombe, je suis comme monsieur tout le monde. J'ai jeté l'éponge comme monsieur tout le monde. Je plonge. Bonsoir. Nous aurions quelques questions à vous poser au sujet de l'incident d'hier soir. Vous connaissiez le voisin? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur lui? Sur lui? Je suis encore sous le choc étant donné que c'était un père exemplaire, voisin charmant, attentionné, un type normal, non rien de louche, qui ferait même pas de mal à une mouche. Je l'entendais chanter sous la douche, il m'aidait à descendre mes courses, un gars ordinaire, discret, sans histoire. Y'a ma maison à la télé, tout ça difficile d'y croire. À la radio c'est dingue, il parle de flingues, de rideaux en sang. Dire qu'on avait passé le dernier nouvel an ensemble, on parlait bricolage autour d'un verre, trinquant notre santé. Un monsieur tout le monde, mais personne s'y attendait. Et à propos de l'incident, vous pouvez nous raconter ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu? Il a tué sa fille et sa femme, enfin sa femme en premier. On parle de fusil et d'idées noires dans le fond de son grenier. J'entends encore le bruit, les cris, c'est pire à chaque seconde. 3 tombes pour un monsieur tout le monde. Voisin assassin en puant 4 fois sur la gâchette. Les volets fermés, oui, le drame s'est passé en cachette. J'ai entendu un bam, on venait de quitter la table. 22h32, une balle, celle qui a tué sa femme. Il se fâchait pas mal, j'ai pensé à une dispute banale. S'enchaîne un coup machinal, le calme, puis la balle finale. Un coup de fil, la police débarque, les chaînes télé défilent. On me demande des infos sur le bar, je peux comme dans les films. On a retrouvé le corps de sa fille tout près du sien. Dire j'ai vu ce type pleurer à la mort de son chien. Ma femme ne parle plus depuis qu'elle a su la nouvelle. Elle a croisé son regard hier soir en sortant la poubelle. Toujours souriant, un gars sympa qui habitait à 2 pas. Je suis sûr que les autres voisins disent la même chose de moi. Ils me ressemblent, la voiture, la femme, la belle-mère, les soirées à table, le canapé, les films banals, le pain pour le canard du canal, le chien, le putain de naine, jardin, la terrasse au soleil. Qu'est-ce qui m'empêcherait de faire pareil? Dans l'ombre, je suis comme monsieur tout le monde. J'avance, je suis comme monsieur tout le monde. J'ai jeté l'éponge comme monsieur tout le monde. Je plonge dans le plus sombre de mes songes. Et seul dans l'ombre, je suis comme monsieur tout le monde. J'avance, je tombe, je suis comme monsieur tout le monde. J'ai jeté l'éponge comme monsieur tout le monde. Je plonge dans le plus sombre de mes songes. Je sais pas pourquoi ce matin je suis très en colère, mais je laisse rien paraître devant ma fille et sa mère. Bisous, bonjour, ennui, cafetière. La jolie vaisselle que nous a donnée grand-mère. J'aimerais tout foutre en l'air. Monsieur tout le monde à l'instant. On le retrouve aussi sur l'album, ce morceau. Ouais, il est sur l'album, dans les bonus. Il y a Gangsta, il y a Comdab aussi qui passe sur Skyrock en ce moment. Vous pouvez le retrouver sur l'album. Et d'ailleurs, je crois que quand on précommande l'album, il y a des morceaux comme ça qu'on peut avoir au fur et à mesure qui arrivent. C'est ouais, ça. Il y a le morceau Nous aussi, il y a le morceau Comdab, il y a le morceau Gangsta, il y a le morceau Monsieur tout le monde. Fait que des donc, cadeaux. N'hésitez que des pas cadeaux à précommander tout de suite et vous avez plein de morceaux et de Big Flo qui débarquent. Voilà, quand ça va sortir le 1er juin, l'album repassera à 10€. Donc ça sera plus à 8€. Donc vous faites une petite économie de 2€. Non, à 7,99€. Pardon, oh, à 7,99€. Psychologiquement, c'est très important. Ouais, pardon. 7,99€. Donc vous économisez 2€, vous pourrez vous payer de petits carambars, ça fait toujours plaisir. Ouais, ou ouais, comme on était sur McDo, hein, au burger en plus. Voilà, un petit... Ils sont dans les chiffres, là. Ils sont dans les chiffres. Ça tweet déjà beaucoup là. Ouais, beaucoup de messages. Hein. Timoli, ok, d'accord. Team Big Flo, ouais, Big Flo le meilleur, c'est ça, ouais. Dans un instant, le clash entre Big Flo et Oli. Ne bougez et pas, ouais. Juste avant, je vous présente Mister Megs de Colomiers. Yeah. Colomiers dans 31. Colomiers, c'est à côté de chez nous, ça. Ben oui, les gars, mais vous vous rappelez peut-être pas de mon blaze, mais si je vous dis Omar, Wawad, il connaît. Wawad, il est derrière. Il est là, Wawad, il est là. Omar de Colomiers. Yes, ça va, les gars? Oui, il te connaît. Ouais, ça va et toi? Surprise. Ça va et toi? Il fait beau dans le sud? Ah putain, il pleut là. Ah, aïe, ouais. Aïe. Et nous, il fait un grand soleil. Les nuages sont arrivés. Allez, bah, ça vous fait du bien pour une fois. Attends, il fait toujours beau chez vous. Bon, ça va, Mister Megs? Nickel, nickel. Bah, à défaut de monter à Paris, bah, j'ai fait une petite surprise, voilà. Mortel, freestyle, bien. Comme à l'ancienne. Bah, ok, la cool. J'ai freestylé, c'était il y a 15 ans. Donc maintenant, bah, voilà. Ah ouais? Ah putain, 15 ans après, il remet ça pour vous. J'espère que t'as quand même. 15 ans après, il revient. Ah, je vais préparer un petit truc, hein, voilà, tranquillement. Ah bah, on va écouter ça, Megs. Peut-être des dossiers sur vous. Quoi? Ah non. Merci, Megs, pour ces bonnes infos. Allez, on t'écoutera, PC, lors du freestyle par téléphone, on y va. Yeah, ok. Toulouse 31, salle sud, le fumier. Big Flo au lit, la cour des grands. Ok, top départ du passeur, c'est le freestyle. Négro ne me jalouse pas à cause mes fucking punchlines. Du signe ici maintenant et pour longtemps. Toujours à le best, même sous la pression. Double SN from Villa Tolosa, à Rancho chez les Lakers. Les girls font les michetos, now je baisse tous les haters. Négro, j'ai pas le time, c'est crunch time, I'm hungry. Si je ne réponds pas, laisse-moi un message, je buzzy. Big Flo et Oli sont dans la cour d'écran. Mensonge, je peux pas vivre sans hip-hop, un kiff pour ce putain de sang. Je garde ma position. J'suis un soldat sans nation, même si elle arrive assassine. Passe-moi une feuille que je l'assassine. Sauf que l'amour, je vise la gloire, j'ai la mélodie dans le sang. C'est ma top, ma vie, mon atmosphère, ma source de vie, ma deuxième mère. Nique sa mère, mon sang est dirty. C'est ma philosophie, ma vision de la vie. Ma vision de la vie. Big Flo et Oli sont dans la cour des grands. Précommande l'album, il est encore temps. Big Flo et Oli sont dans la cour des grands. Si tu télécharges, je te casse les dents. Big Flo et Oli sont dans la cour des grands. Précommande l'album, il est encore temps. Big Flo et Oli sont dans la cour des grands. Le 1er juin, fais gaffe à tes dents. Tel Gandhi, mon flow fait réfléchir. Comme Shady, mes rimes déchirent. Dans le West, Colombe Zoho représente rive gauche, Saint-Cyprou. Big Up Batadou, comme quand 98, c'est les yeux dans les bleus. Ma team, Black Bomber, fait peur, ça les rend nerveux. Pas dans les stades de foot, mais dans les blocs des cités. Ça rêve de liasse, de kill, du retour de KDD. Mensonge, génération. De coups de carcher, coups de boule comme Zidane. Les concierges votent FN comme des ânes. 2017, un fric ou un facho, une pute ou un complot. 30 à 40, tes votes si tu veux relever le niveau. Colombe Zoo, Amazon, Colombe Soft Stars, la bombe. 31, le code, SSN Underground. Big Flo et Oli dans les packs. Fuck la pack, mon flow claque. Des basses vibes sans les calibres, je vais mettre des claques. Comme dans le show, laisse-moi foutre mon petit bordel, Fred. Ici c'est Toulouse, Paris et Ted. Comme Billy Bass, qui peut me battre à la Tony Montana. J'écrase les jaloux à coups de batte, à coups de rime qui tape. Comme Tyson dans le rig, voilà le king. Voilà le king, yeah. Big Flo Oli dans les packs, yeah. Big Flo Oli sont dans la cour des grands. Hey. Mortel, bravo, bravo. Merci, merci beaucoup pour les dédicaces, mec. Ça fait vraiment plaisir. C'était bon. Normal. Maintenant, quoi, Wad m'a dit, je me souviens qu'on s'était croisés à quelques soirées. Yes. Merci beaucoup pour la dédicace, ça fait vraiment plaisir. Ben, normal, hein. Moi, ça m'a fait plaisir quand j'ai eu la nouvelle. Mortel, donc, voilà, cool. super. Eh ben, merci mec. À toi. Prends soin de toi. Non, est-ce que je peux faire deux petites annonces? Vas-y, on t'écoute. Samedi 25, donc après-demain, on se retrouve, du moins samedi prochain, avec Wawat à Colomiers, au festival Nothing Toulouse, festival des cultures urbaines. Allez. Donc venez, il y aura du hip-hop, du graffiti. Et voilà. Et le 1er mai, on fait un gros show au Barnum Club avec DJHQ. Il y aura notamment plein de surprises avec Billy Bass, moi-même. Et vous êtes invités, les gars, si vous êtes dans le coin. Allez, donc, voilà. Je connais tous ces endroits. On va essayer de passer, Boto. Merci pour l'invite. Et bah, merci à toi, en tout cas. Pas de soucis. Prends soin de toi. À bientôt. Passez une bonne soirée. La bise. L'heure est grave. Aïe. 20h36, ça fait déjà 10 minutes que vous votez soit pour Big Flo, soit pour Oli. Je rappelle que pour voter, vous envoyez attaché en minuscule Team Big Flo, Team Oli. Il y a des gens, ils pensent vraiment que c'est sérieux. Ils disent, vous allez pas séparer ce groupe, s'il vous plaît. Ah bah si, bah attends, ça va. Ah si, on les a eu trois soirs, c'est bon. C'est bon, fini. Ce soir, c'est donc la fin. L'un des deux va repartir sur Toulouse juste après l'émission. Qui sera-t-il? Team Big Flo, tout attaché. C'est ça qu'il faut envoyer ce soir. Hashtag Big Flo Oli sur Skyrock. Ça va être vite plié. Ou sinon, c'est Team Oli pour ceux qui aiment le bon rap. Alors, ça va jouer comment ce clash? Ça va se jouer en trois rounds. Et exceptionnellement, on va pas utiliser le DJ pour l'instru. Ça va être Wawad qui va nous faire les beats en direct, le beatboxer. Wawad, tu peux prendre le micro. Va prendre place. Voilà, ok. Déjà, on va se mettre face à face, Oli, s'il te plaît. Il est grand temps maintenant. Ah, ça y est. Ça a sonné, l'heure a sonné, ils sont sur le ring. Alors attendez, hop. Je vous imagine tous les deux sur un ring pour de vrai, je te jure, ça me fait rire d'avance. Ok, venez les gars, venez mon équipe, près de moi. Hey, Team Big Flo, est-ce que vous êtes chaud? Si vous avez les images sur le Skyrock FM, sur l'application Skyrock, vous verrez d'un côté, il y a en t-shirt noir Oli et de l'autre, Big Flo en t-shirt blanc. Voilà, maintenant, on est chaud. Wawa, tu es prêt? Comment ça va? Yes, ça va, ça va. Et en toi? En pleine forme? Ouais, tranquille. Bah écoute, c'est toi qui as donc la lourde tâche. Yes. Non pas de les départager, mais de proposer les sons. C'est toi qui fais tout en beatbox, c'est ça? C'est ça. Il y a quand même le DJ qui va balancer l'intro. Donc fais-nous juste une petite démo, à peine de 30 secondes, Wawa. Allez, fais-nous plaisir. Wawad, on est sûr, il est chaud. Hein. Ah, il est chaud. Il est avec moi, donc c'est sûr qu'il est toujours chaud. C'est toujours. Je suis avec les deux frères. Team Big Flo, est-ce que vous êtes chaud? Ouais. Allez, tout le monde, Team Big Flo, tout attaché. T-E-A-M-B-I-G-F-L-O. Coup d'envoi du premier round maintenant. C'est parti. Je vous présente Oli, la première de toutes mes groupies, a.k.a. le sosie officiel de Choupi. Tu stresses, t'as peur, tu veux appeler la police. Ce soir dans ton slip c'est Urban Peace. Il est trop gros, lui propose pas de verre. D'où il comprend rien, normal, il a de la graisse plein le cerveau. Ne croyez pas ce type, non. C'est que du bluff, il s'appelle Oli. Mais quand il est Oli, c'est jamais avec une meuf. Team Big Flo tout attaché, @ Big Flo et Oli sur Skyrock. Aïe aïe aïe, ok, je suis chaud. Ok, t'es chaud. Très moyen, très moyen. Le public serait pour moi s'il fallait voter. T'as la tête de Mexicain, t'es forcément adopté. Je vais faire un meurtre. Fred de Sky sera témoin. J'ai vu que tu recherchais des muscles sur le bon coin. Faut que tu manges, non, fais du sport, c'est angoissant. Allo, dis full, ouais, c'est Big Flo, j'ai des problèmes de croissance. Quand tu rames solo, le public s'est trop marré. Car t'as la tête à Gainsbourg et le corps de Stromae. Big Flo, je tiens à dire que personne ne chante dans son équipe, ils sont vraiment pas chauds, alors que moi ils sont chauds. Faites du bruit! C'était donc le premier round, celui-ci? C'était le premier round, bien sûr. Premier round, je vois que ça tweet. Alors, qui a été le plus fort en premier? Au premier, c'était Big Flo qui est passé. C'était Big Flo, c'est ça qu'il faut envoyer. Et en second, Oli. Ah voilà, j'ai vu que tu recherchais des muscles sur le bon coin. Les gens sont bons. Aïe, aïe. Vous continuez à balancer soit Team Oli, soit Team Big Flo. Qui repart, c'est toi? C'est moi, ouais, c'est pas le deuxième round. Donc, deuxième round, ouverture avec Big Flo. Yeah! Fais attention Oli, retiens bien talent. Car si j'ai le corps à Stromae, ben j'ai aussi son talent. Qu'est-ce qu'il y a Oli? On dirait que tu bugs. Ce mec a trouvé une copine, elle est aveugle. Je crois qu'on t'a pas dit, quand je rappe tu t'aplatis. T'es trop proche du DJ, parfois t'es même sous la platine. Je te connais depuis toujours, comment veux-tu que j'y croie? Je me souviens quand tu chies dans tes couches, c'était il y a 6 mois. Franchement, à force de traîner avec moi, il a pris un niveau, c'est dingue. Ok, je suis chaud. Maintenant, y a pas un bruit dans son équipe. Ici personne te croit, arrête tes salades. À Paris ton surnom c'est Petit Corps Malade. Mec sans barbe, l'inverse de Rick Ross. Au fait Big Flo est en couple avec sa Xbox. Une photo et tu t'es cru classe. C'était pas pour Big Flo, il t'a pris pour Sid de l'âge de glace. On a perdu ton flow, la police va enquêter. Au lycée, tu faisais le squelette en cours d'SVT. Ah, enfoiré. Ah, ça balance, c'est bon. Allez, cette histoire. S'il vous plaît, on continue de tweeter Team Big Flo tout attaché. Quand je dis clash, vous dites Team Oli clash. Team Oli clash. Team Oli. Oh là là, c'est nul ce qu'ils viennent faire. juste faites du bruit, Team Big Flo, faites du bruit. Voilà. Big Flo, c'est le grand frère, c'est l'élégance, c'est la classe. Et c'est lui qui repart pour le déjà troisième et dernier round maintenant. Pour le dernier round, on laisse Denchou. Allez, pour le dernier round, on passe sur une vraie. Ok, on va bien. Et ça fait Big Flo. Et ça fait Big Flo, pop pop pop pop pop, ça fait Big Flo, pop pop pop pop. Moi j'ai dit Big Flo, pop pop pop. Et ça fait Big Flo, pop pop pop pop. T'as voulu me clasher, maintenant ça va barder. Maman m'a dit qu'elle regrettait de t'avoir gardé. Non mais tu t'es regardé, tu crois que t'as des fans. Ce mec sous les bras, il a la coupe à Orelsan. Petit frère veut rapper trop vite, mais il a oublié que c'est moi qui lui ai appris à rapper. Petit frère, ta tête est trop grosse, fais pas malin ou je te frappe. Tu passes sur Skyrock, mais t'es dernier sur le rap. Ok, je suis un peu déçu Flo, je suis un peu déçu. Team Big Flo, fais du bruit. Ça arrête pas là, Team Big Flo, ça tweet que Team Big Flo depuis Team Oli, fais du bruit. Ok, continue à tweeter hashtag Big Flo Oli sur Skyrock. Team Oli, on est ensemble, yeah.

à l'instant, comme d'hab. Je vous jure, le regard de Fred est assassin. Mais oui, parce que j'ai pas ouvert, j'ai pas osé ouvrir parce que nous avons une huissière de justesse qui est venue nous apporter. Huissière de justesse. Maîtresse Fabienne qui est venue faire les comptes. Les comptes, les comptes de Big Flo et Oli, puisqu'on a arrêté les comptes là, il y a deux minutes, et l'enveloppe. Pas grave, Fab. La petite feuille est là. C'est les résultats, Team Big Flo, je compte sur vous. Attends, Fred, je m'assois. Alors, asseyez-vous. Il y a quelques minutes, il y a eu un clash entre Big Flo et Oli. Dans un instant, l'un des deux va prendre le dernier train pour Toulouse. Il va rentrer à la maison. En calèche, même. Retrouver sa maman. C'est vrai. Qui lui manque quand même, mais d'ailleurs, qui vous manque à tous les deux. Mais bien sûr. Oui, qui va aller se faire consoler? Qui va désormais avoir une carrière en solo? Il est très fort, il est très fort. Il fait monter la pression. Roulement de tambour, tout le monde. Wawad, tu sais pas faire un truc? Wawad, tu peux pas nous faire un truc, genre, je sais pas. Fais-nous un petit truc, une petite pression. Voilà, un petit. Pas Wawad, on lui demande. Ouais, je suis désolé, Wawad. C'est la bête de four, moi. Ah oui, alors attention. Flash, Big Flo et Oli. Attention. Team Big Flo. Oh non, attendez, non. Calme, j'allais donner le score. Quel enfoiré. Et là, je vais perdre. Pour la team Big Flo. Putain, l'enfoiré. 47,6%. Et la team Oli le remporte avec 52%. Ouais désolé. C'est pas bien ce que t'as fait. Je voulais donner les deux. Les résultats qui sont là, constatés par huissière de justesse. 47,6, c'est ça. Et 52, mais c'est 52,4. C'est très serré quand même. Et je pense qu'on peut les applaudir tous les deux. Bravo. Ouais, mais c'est normal, le grand frère. Il y a un mec qui tweet et ça va être comme d'hab une soirée de merde pour Big Flo. Mais en tout cas, le grand frère, c'est toujours un peu le mal aimé, mais on sait les vrais qui écoutent du vrai rap, ils aiment Big Flo, on le sait. Non, en vrai, c'était serré. Faites du bruit pour les deux. Voilà, bravo. N'oubliez pas que c'était un super moment, la preuve avec vous en tout cas. C'était un super moment qu'on a vécu et vous le trouverez évidemment ensemble le 1er juin dans les bacs. Exact, ouais. L'album Big est Flo déjà 10 points précommande, on le rappelle, on essaye de monter dans le top aujourd'hui. Donc, là, il n'y aura qu'une seule team, c'est la team Big Flo et Oli. Sinon, le train, c'est 21h13, là, faut y aller. Ok. Big Flo, Oli avec nous entre 20 et 21. Merci pour cette belle soirée en tout cas, messieurs. Merci. Demain, un petit texto de maman, je suis content de te retrouver à la maison, j'ai préparé un couscous. Demain, il y a Youssoufa qui vient, donc il sera là. Il y aura sûrement Jazzy Baz aussi. Très bien. C'est pas sûr encore, mais voilà. On vous prépare une version exclusive d'Entourage. C'est vrai, un truc inédit qu'on va rapper en live. Donc voilà, demain, les gars, n'oubliez pas. À pas louper. Merci à Wawad qui a été là, qui était brillant aussi. N'hésitez pas à aller suivre Wawad sur Facebook, la page WAWAD. Allez-y. Yes, merci Oli. Et avant de se quitter, on fait tourner rapidement la roulette. C'est parti. Yes. Skyrock t'offre ton kit d'album de rap français et de rap R&B US. À toi de choisir. Nathan de Noisy-le-Grand, ça va bien, Nathan? Ouais, ça va. En forme? Ouais, très très en forme, ouais. Alors, tu passes une bonne soirée avec Big Flo, Oli? Ouais, grave, ouais. Eh bah écoute, tu es prêt à faire tourner la roulette, on y va? Ouais. Dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Ok. Garde, Big Flo, t'as raison, Flo, c'est ceux qui écoutent du V-Rap qui vont voter pour toi. Ah, voilà. Et la roulette qui va s'arrêter sur la case Nathan. Plutôt son français ou plutôt son US pour toi, Nathan? Français. Eh bah français, on t'envoie donc l'intégrale des albums de Lacrim, de Caris, de Booba, c'est pour toi. On t'envoie ça du côté de Noisy-le-Grand. On pourra même rajouter ceux de Big Flo et Oli, allez hop. Allez. Cadeau supplémentaire. Allez, on dédicace. Vas-y, on t'écoute, Nathan. Je fais une dédicace à toute ma famille, à tous mes potes et tous les gens du lycée Camille Claudel. Eh bah merci à toi, Nathan. Tiens, et je voulais finir aussi sur ce dernier message. Regarde, c'est Florine qui nous envoie ça. Ouais. Avant qu'il disparaisse, je n'aime pas Big Flo, je n'aime pas Oli, j'aime Big Flo et Oli. Ah, c'est bon, c'est bon. Et Fred, t'es trop fort. Et si vous aimez Big Flo et Oli d'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur notre Facebook à mettre un petit j'aime. On est déjà 130 000. On peut être plus encore demain. Donc on peut être encore plus demain et voilà, rendez-vous en concert. Et merci à vous en tout cas pour cette belle soirée. Demain, le retour avec Youssoufa. Difool est là avec toute l'équipe de la Radio Libre. Ouais, Fredo. Bah oui, qui aussi sont en clash régulier hein, d'ailleurs. Oui, vous le savez. J'ai écouté ça, ça clash aussi dans Planète Rap maintenant, c'est bien. D'ailleurs, on est censé avoir un clash, Romain. Ah oui, la trompette. La trompette est là. C'est bon, on peut y aller. Bon, désolé pour hier soir, j'étais. T'as fait faux bon. T'as fui, Romain. Non, tu mais je dormais, à vrai dire, mais. Ok, et là, c'est bon, je suis prêt là. Ok, on l'a. On arrive. Oh, super, quelle mémoire. C'est quoi ça, hein? Il s'échauffe là. C'est la trompette. Il faut chauffer les lèvres. Nous on a Wawad aussi qui est assez chaud. Wawad, ouais, t'as une petite trompette qui traîne. Ça, il pourra nous faire. La trompette? Vas-y, fais une petite trompette. Une petite voilà. C'est la pantaine rose. Exact. On est chaud. On a entendu. Ah, fait ça bien. Et ben on en retrouve dans un instant, Big Flo et Oli. On arrive. À toi, ton débat. Les deux qui débarquent dans Radio Libre. Il y a du monde un soir qui va débarquer dans Radio Libre. Restez bien dans le coin, déjà toute l'équipe qui est là. Ouais. Et puis vous tous en direct, vous pouvez y aller. Allez-y, 01 53 40 30 20. Big Flo, Oli, le retour aussi demain soir dans Planète Rap avec toi, Fredo. Et avec Youssoufa aussi. Et avec Youssoufa qui arrive aussi. Ben, c'est bien, une grosse soirée. Grosse soirée, une grosse semaine avec Big Flo, Oli. On sera là demain, mais bon, restez là tout de suite. Hein. Bougez pas, Radio Libre, ça démarre avec Black M qu'on entend derrière moi. Là, c'est Foutu Mélodie, premier son de la soirée. Monaco à suivre contre la Juventus de Turin. On en reparle tout de suite. À demain, Fredo. À demain. Ciao. Tous les matins sur Skyrock.